Dans un monde où notre attention est devenue la monnaie la plus précieuse, il est essentiel de comprendre comment les entreprises explorent nos habitudes pour nous maintenir engagés. L'économie de l'attention, concept introduit par Herbert Simon en 1971, est un modèle d'affaires basé sur la publicité où les entreprises conçoivent des interfaces pour capter notre attention. Les plateformes numériques utilisent des algorithmes avancés et des analyses de données massives pour améliorer notre engagement, créant un cycle de capture de l'attention et d'extraction de données. Les théories classiques de l'attention, telles que la théorie de la bouteille à l'entrée, sont limitées et ne peuvent pas expliquer les phénomènes d'attention dans les contextes numériques. C'est pourquoi les auteurs proposent une approche alternative basée sur la notion de habitude inactive, qui considère les interactions entre l'agent et son environnement. Cette approche offre une compréhension plus fine de comment les plateformes numériques peuvent être conçues pour promouvoir l'autonomie et le bien-être des utilisateurs. Les chiffres sont éloquents, les utilisateurs passant en moyenne plusieurs heures par jour sur les plateformes numériques et les entreprises dépensent des milliards pour capter leur attention. Mais quels sont les effets négatifs de cette économie de l'attention sur notre autonomie et notre bien-être? Les auteurs soulignent que les plateformes numériques peuvent inciter les utilisateurs à développer des habitudes addictives, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé mentale et physique. Pour remédier à cela, les auteurs proposent une approche normative pour évaluer les effets de l'économie de l'attention sur les utilisateurs en considérant les implications éthiques et politiques. Il est temps de repenser la conception des plateformes numériques pour promouvoir l'autonomie et le bien-être des utilisateurs, et de réguler les entreprises pour protéger les utilisateurs contre les effets négatifs de l'économie de l'attention. Enfin, il est essentiel de prendre conscience de notre propre rôle dans cette économie de l'attention et de prendre des mesures pour protéger notre attention et notre autonomie. Nous devons être les maîtres de notre propre attention et non les esclaves des algorithmes.